pour ceux qui sont intéressés, le mercredi soir, deux fois par mois, si vous voulez faire une étude biblique, un genre de partage pendant la semaine, dans le sermon, nous sommes prêts de l'organiser s'il y a assez de personnes qui sont intéressées. Et on va utiliser un petit guide sur ces trois chapitres intitulé « Suivre Jésus ». Donc, on va le faire deux fois par mois. J'ai une idée. OK. Bon, voilà. Très bien. Et Léonard, nous allons faire une entente ensemble. OK? Ça, c'est la dernière fois que tu bouges. OK? Bon. Tu te lèves pas, non. Tu restes là. OK? Et c'est des bons biscuits, ça? Mmh. Bon, c'est bien. OK, OK, oui, oui. Bon appétit. Mais reste assis. Donc, si vous êtes intéressé de participer dans un groupe le mercredi soir, venez me voir, soit cette semaine ou les semaines d'ici le mi-septembre, et on va l'organiser ensemble. Si vous voulez le consulter, j'en ai apporté une copie aujourd'hui. Oui, oui, oui, oui. C'est, on peut le commander de Direction Chrétienne. Oui. Parce qu'il y a un homme et Glenn Smith qui l'a écrit. OK. That's you, Glenn Smith. Wow. Pour toi, oui, oui. OK. You are Glenn Smith? Oui. Chut, Léonard. OK. Voici notre texte pour ce matin. Et une fois que Yann a le texte entre ses mains, je vais lui demander de lire le texte pour nous. C'est le psaume 85. Et je vais expliquer la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte pour ce matin. Mais afin de faciliter les choses pour tout le monde, je l'ai photocopié. Yann, si tu peux le lire pour nous. Psaume 85, au chef des cœurs, psaume des Coréens. Verset 2. Éternel, tu as montré ta faveur à ton pays. Tu as rétabli Jacob. Tu as pardonné les torts de ton peuple. Tu as effacé tous ses manquements. Tu as retiré toute ta colère. Tu as réfréné ton indignation. Oh, rétablis-nous, Dieu, notre Sauveur. Mets un terme à ta colère. Vas-tu éternellement être irrité contre nous? Ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge? Ne voudras-tu pas nous rendre à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Fais-nous contempler ton amour, ô Éternel. Accorde-nous ton salut. Je veux écouter ce que dit Dieu, l'Éternel. C'est de paix qu'il parle à son peuple, à ceux qui l'aiment, mais qu'il ne retourne pas à leur égarement. Oui, il va bientôt sauver tous ceux qui le révèrent, afin que sa gloire puisse demeurer bientôt dans notre pays. L'amour et la vérité vont se rencontrer, et la justice et la paix se donneront l'accolade. La vérité germera du sein de la terre, la justice descendra des hauteurs célestes. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur, et notre pays produira ses fruits. La justice le précédera, elle tracera un chemin devant ses pas. Merci, Yann. Prions ensemble. Seigneur, comme Denise a si bien dit ce matin, merci que nous sommes ici pour te célébrer, pour te commémorer et de le faire en communauté. Et merci pour ce temps de louange et de chant, de prière et de partage qu'on vient d'avoir. Maintenant, on tourne vers ce psaume. Et encore, Seigneur, en communauté, nous te demandons de nous parler et de nous diriger afin que nous puissions bien comprendre notre identité collectivement en toi. Merci pour tous tes bienfaits à notre égard. Au nom de Jésus. Amen. La semaine passée, Michel a animé le partage et il a parlé de notre identité individuel à cause des textes ou le récit de la création. Et si vous vous souvenez bien, à la fin, il nous a montré la diapositive avec les constats du récit biblique de A à Z sur qui on est en tant que créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et maintenant dans notre identité en Jésus-Christ. Il avait brièvement mentionné ce texte en psaume 85 pour souligner que notre identité est une identité dans la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Et quand je l'ai entendu, j'ai dit, ah, merci Seigneur, voici le texte pour la semaine prochaine. donc, que j'ai passé ma semaine de faire mon exégèse, parce que ce matin, j'aimerais parler de notre identité collective. Donc, pour complimenter l'identité individuelle dont Michel a parlé, ce psaume, et surtout dans son interprétation néo-testamentaire, notre identité en Jésus-Christ, mais en tant que communauté. La semaine passée, Michel a soulevé la question « Qui suis-je? » Ce matin, moi, je soulève la question « Qui sommes-nous? » Donc, le texte ici souligne que la communauté est consciente des bienfaits de Dieu, mais elle se trouve, dans le contexte du psaume, dans une crise épouvantable. Dans le verset 5 et dans le verset 9, la communauté est consciente qu'elle subit la colère de Dieu, la frustration de Dieu. Elle sait qu'elle est capable de, le mot dans le texte, c'est égarer, les égarements. Mais à la fin du texte, elle expérimente un texte qui est rare dans les textes bibliques, où il y a une explication de la concorde. Nous connaissons tous l'université Concordia. Okay? C'est quoi le concorde? C'est... un oiseau. Oui, mais c'est aussi la paix de Dieu. La présence paisible de Dieu. Et ce texte répond à la question, qui sommes-nous en disant, nous sommes le peuple de Dieu, qui des fois se trouve dans des contextes horribles. Mais Dieu prévoit toujours sa paix, sa présence. Et on va faire l'étude ce matin, le partage, mais à la fin, je vais partager avec vous une petite étude de cas où j'aimerais nous inviter de parler en application. Qu'est-ce que ce texte veut dire pour nous corporellement? OK. Le texte commence avec ce qu'on appelle, en hébreu, une suscription. Et vous le voyez dans le verset premier. Au chef de cœur, psaume des Coréites. Donc, il est évident. Donc, il y a, si vous voulez, un chef d'orchestre. Il y a un Kentnagano qui est là pour animer la communauté pendant qu'elle chante, parce que le texte dit que c'est un psaume, un chant et littéralement un louange. Mais voici ce qui est fascinant. C'est un psaume ou un chant des Coréites. Si vous retournez dans l'Ancien Testament, dans le livre de Nombres, il y avait un homme qui s'appelait Coré, qui a contesté l'autorité de Moïse. Il a contesté aussi la place de son frère, Aaron. Et Moïse a dit, « Moi, je suis nommé par Dieu, donc on va décider qu'est-ce qui va arriver. » Et si vous vous souvenez, en Nombres 25 et 26, la terre s'est ouverte et elle a mangé, avelé, Coré et les dissidents. Un triste fin. Mais selon les textes bibliques, ce n'était pas la fin. Parce que les fils de Coré n'ont pas suivi leur père. Et ils sont devenus les musiciens. Et nous avons dans les psaumes 12 chants qui ont été composés par ses fils pour nous rappeler de qui est Dieu. Et ce texte nous rappelle la vérité biblique, que devant Dieu, je ne suis pas responsable pour les gaffes de mon père et de ma mère. Des fois, il y a les cicatrices. Je peux vous parler longuement de la tradition génétique et psychologique de mes parents dans ma vie. Je suis leur fils, pour le bien et pour le mal ou le pire. Ma femme rigole. Elle sait mieux que personne. Mais je ne suis pas responsable pour leurs décisions et pour ce qu'ils ont fait. Et les fils de Corée nous rappellent, le chemin peut être retracé. Parce que le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de vengeance et de rétribution. Son dernier mot est toujours un mot de grâce. Et les chants des fils de Corée, des Coréites, sont toujours des chants de gratitude. Et dans ce texte, nous avons cette gratitude. Divisons le texte de cette façon. Dans les versets 1 à 8, nous avons un appel. Dans les versets 1 à 4, ou 2 à 4, c'est un appel de l'aide ou un au secours à la lumière des victoires précédentes. Mais dans les versets 5 à 8, c'est un appel au secours à cause des réalités accaparantes et difficiles dans le présent. Alors, c'est la première partie. La deuxième partie, à partir du verset 9, c'est la délivrance de Dieu, la libération de Dieu, avec une affirmation de sa personne. Donc, regardons le texte de cette façon. Commençons tout d'abord dans les versets 2 à 4. Et voici cet appel au secours, mais à la lumière des victoires précédentes. Et nous avons la liste. Il est très simple. Éternel, ou si vous voulez, Yahweh. Le Dieu de l'Alliance. Regardez la liste. Tu as montré ta faveur au pays. Ça, c'est le premier. Tu as rétabli Jacob. Deuxième. Tu as pardonné les torts de ton peuple. Quatre. Tu as effacé tous ses manquements. Cinq. Tu as retiré toute ta colère. Six. Tu as refréné ton indignation. Le temps de ces verbes, c'est passé composé. Le peuple est conscient. Quelque chose a arrêté. Voici ce qui est vrai. Mais regardez le verset 5. Oh, rétablis-nous, Dieu, notre Sauveur, mets un terme à ta colère. Malgré ces six choses énumérées dans les versets 2, 3 et 4, le peuple est conscient. Ça va pas. Et il y a beaucoup d'auteurs qui pensent que ce psaume a été rédigé une fois que le peuple d'Israël était en exil. Probablement après que le royaume du Nord que nous avons étudié lorsqu'on a fait l'étude en Amos, une fois qu'elle a été renvoyée en exil en Assyrie, et le royaume du sud, Juda, Jérusalem, a été renvoyé en exil à Babylone. Probablement, ce psaume a été écrit. Le peuple est conscient. Dieu a fait ces six choses. Mais malgré cela, on ne le ressent pas. On ressent sa colère. On ressent les conséquences de notre égarement. Et comme il dit au verset 9, on est conscient de nos égarements. Donc, à partir du verset 5, le peuple pose trois questions. Regardons-les. Tout d'abord, au verset 6, « Vas-tu éternellement être irrité contre nous? » Et c'est l'adverbe qui est le plus frappante. Éternellement? Éternellement. C'est un long. C'est pas un long temps. Parce que lorsque quelque chose est éternel, il n'y a pas de temps. C'est un long. Dieu, vas-tu être long? Irrité contre nous? Ton ressentiment, deuxième question, durera-t-il d'âge en âge? Troisième question, ne voudrais-tu pas nous rendre à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Et le peuple pose ces trois questions. Ce que nous sentons, Seigneur, C'est épouvantable. À un tel point où nous ne pouvons pas nous rester secure dans ce que tu as fait dans les versets 2, 3 et 4. Non, nous sommes pris dans nos questions. Et ce texte est d'une actualité inouïe. Parce que nous sommes souvent capables de parler de notre salut, de qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé, que Dieu nous aime, que Dieu nous a bénis, 1, 2, 3, et on énumère les choses. Mais souvent dans le présent, comme Daniel a si bien chanté ce matin, « Slip sliding away ». Parce que notre présent ne peut pas approprier le passé. Je crée une petite parenthèse. Une de mes disciplines spirituelles, une de mes pratiques hebdomadaires, des fois journalières, c'est que je tiens un journal de bord. Donc, j'ai un petit livre blanc et je prends du temps pour écrire mes pensées, mes réflexions, mes questionnements. Des fois, j'écris des versets. Des fois, je raconte ma journée. Je le fais parce que c'est une belle façon pour moi, dans un premier temps, de boucler le boucle sur la vie, sur le jour, sur la semaine. Donc, comme par exemple, hier, Sandy a acheté un fauteuil, il y a 2 ans de cela, de Brick. OK? Ça se peut que Brick a des bons meubles, mais leur service, oublie ça. Et pour des raisons qui me dépassent, Sandy a décidé, parce que le fauteuil ne marche pas, a décidé de faire venir le service pour réparer le fauteuil. OK? Monsieur, quand allez-vous venir? Entre 8h et 5h. Est-ce que vous pouvez être plus précis que ça, monsieur? Entre 8 et 5. Donc, notre journée a été planifiée. Pour nous, à quelle heure est-ce qu'il est arrivé? 4h30. Mais j'ai dit, OK, on va profiter. Donc, on a eu une belle journée, on s'est assis, il faisait beau hier. J'ai pris du temps pour écrire dans mon journal. J'ai pris du temps pour faire mon jogging. On a placoté, j'ai lu. C'était une journée. C'était un relax, bien dit rien. C'était un sabbat. Donc, ce matin, quand j'ai ouvert mon journal, j'ai remercié le Seigneur pour mon sabbat. Voilà, voilà, pour Brick. Non, non, non, non. Non, j'ai remercié Dieu que ma femme n'a pas étranglé l'agent de service de Brick. Mais écoute, c'était pas sa faute parce que Brick outsource leur service. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, mais des fois, je sors mes journaux de bord et je relis ce qui m'est arrivé dans le passé, afin de me rappeler que quand je suis down, quand je suis triste, quand Dieu ne répond pas, quand ses réponses ne sont pas claires, je peux lire ce que j'ai documenté dans le passé. Donc, heureusement, le verset 8 n'est pas la fin du texte. Mais le verset 8 est un peu le charnière dans le texte. Le verset 5 est un peu le charnière dans le texte parce que l'auteur dit « Oh! Oh! Rétablis-nous, Dieu notre Sauveur! » Et voici ce qui est fascinant dans le psaume. 5 fois, l'auteur en hébreu utilise un verbe qui n'est pas traduit littéralement dans le texte français, mais en hébreu, c'est l'idée « Restaure-nous. Retourne vers nous. Est-ce que tu vas toujours tourner contre nous? » Et le thème du texte, c'est que le Dieu de la Bible est un Dieu qui se tourne toujours vers son peuple, malgré ce que nous ressentons, ce que nous vivons. Des fois, en tant que communauté, lorsqu'on pose la question, qui sommes-nous? On peut dire, bon, on est une petite communauté. Bon, on a une histoire comme ci, comme ça. Oh, on ne sent pas bien. Oh, il y a des gens qui ne viennent pas. Oh, il y a des gens qui quittent. Mais on oublie qu'il y a des gens qui sont venus. Ben, il y a Gérard. Mais des fois, lorsqu'on se trouve dans le cul-de-sac de la vie, on se sent comme l'auteur dans les versets 1 à 8. On cherche sa libération. On cherche son salut. On est désireux de revivre ce qu'il a dit, mais on ne le ressent pas. Maintenant, on tourne au deuxième partie du texte. Et maintenant, à partir du verset 9, l'auteur parle d'une délivrance, mais en même temps une affirmation. Commençons avec la délivrance. Et notez-le bien au verset 9. Maintenant, c'est à la première personne singulier. Je veux écouter ce que Dieu, l'Éternel, va me dire. Et qu'est-ce que Dieu va nous dire? Il va, dans le texte, il va nous parler de notre libération. Il va nous parler de noyau de quatre vertus que nous allons examiner tantôt. Mais il va aussi parler de sa présence. Regardez le verset 10. Oui, il va bientôt. Voyez le contraste dans le texte? Vas-tu être éternellement fâché contre nous? Verset 8 à verset 10, il va bientôt. Voyez le contraste dans le texte? Mais qu'est-ce qu'il va faire bientôt? Afin que sa gloire puisse demeurer bientôt dans le pays. Le mot ici pour présence, c'est le mot hébreu « shekinah », la gloire glorieuse de Dieu. Pas simplement un petit aperçu, mais sa gloire glorieuse va demeurer chez nous. Et comment est-ce qu'il va manifester bientôt son salut, sa libération, sa gloire glorieuse? Maintenant, regardez le verset 11. L'amour et la vérité vont se rencontrer. La justice et la paix se donneront l'accolade. Verset 12. La vérité germera du sein de la terre. La justice descendra des hauteurs célestes. Comment est-ce que Dieu va se manifester? Il va se manifester par ce noyau de quatre vertus. Tout d'abord, son amour. Littéralement, son amour loyal. Certains textes français traduisent cette vertu par le mot « la bienveillance de Dieu ». Moi, j'aime le traduire par son amour loyal. Que Dieu reste toujours fidèle à lui-même. Et qui est-il? Un Dieu d'amour. Il est loyal dans son amour. Deuxièmement, sa vérité. Dieu reste fidèle à son alliance. On l'a vu lorsqu'on a étudié Amos. Dieu reste la droiture de Dieu ou la justice de Dieu. C'est la fidélité de Dieu à son alliance, à sa création. Dieu est vrai, Dieu est véridique. Le troisième, la justice, ce qui est conforme, droit, en règle avec sa personne et son alliance. Et finalement, la paix, son shalom. Et dans ce verset, répété dans le verset suivant, dans le verset 12, on expérimente la gloire glorieuse de Dieu, On expérimente Dieu lorsqu'il nous rencontre avec son amour loyal, sa vérité, sa justice et son shalom. Maintenant, voici ce qui m'a frappé avec ces quatre choses. La première, c'est que l'amour et la vérité se disent « bonjour ». Et la justice et la paix, dans le texte hébreu, se donnent des becs. Mais pensez-y deux secondes. L'amour n'aime pas toujours la vérité. N'est-ce pas? Des fois, l'amour et la vérité chicanent. Même dans l'Église. Il faut qu'on soit une communauté d'amour. Mais la Bible dit. Et le chicane est poigné. Ah, oh, t'aimes pas assez. Tu ne lis pas assez les textes. Et le chicane continue. Mais dans ce texte, l'amour et la vérité se donnent des accolades. La justice et la paix regardez qu'est-ce qui se passe ce matin dans le Moyen-Orient, entre Israël et Égypte. Israël a fait une énorme gaffe. Ils se sont excusés, on veut garder la paix. Égypte dit, votre demande de pardon n'est pas assez fort. On veut la justice, on a perdu 4 soldats. Et le ton monte. Et la même chose dans la communauté. Il y a les gens dans notre communauté qui souffrent. Il faut plaider pour la justice auprès du gouvernement. Et les gens de paix disent, écoute, on va le faire pour nous-mêmes. Mais quand Dieu se manifeste, le Dieu d'amour, de vérité, de justice et de paix, d'une façon métaphorique, donne des accolades et il donne des becs. Un acte d'intimité. Cette semaine, en me préparant un auteur, en parlant de ces quatre, il dit, le lieu de rencontre pour ces quatre vertus de Dieu s'appelle la réconciliation. Et effectivement, le peuple, dans les versets 1 à 8, ne peut pas expérimenter les six choses au début. Elle vit dans la colère de Dieu. Le rejet de Dieu. Dieu, quand est-ce que tu vas mettre fin à cela? Et Dieu dit, j'ai mis fin de cela dans la réconciliation. Où l'amour et la vérité, la justice et la paix se sont rencontrés. De telle sorte que l'auteur est capable de faire 4 affirmations à la fin du texte. Regardez les 2 derniers versets. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur. Dieu est toujours bon. Et j'insiste sur l'adverbe. Toujours. Même si je ne le ressens pas, le texte est très clair. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur. Dieu est toujours bon. Deuxième. La justice marchera, non, excusez-moi, le deuxième, et notre pays produira ses fruits. Dieu pourvoira. Dieu prendra soin de nous. C'est là où sa paix, son shalom règne. Verset 14. La justice marchera devant lui. Dieu est juste, même lorsqu'on pense qu'on est des victimes de l'injustice. Le verset 14 est tellement important. Dieu est juste. Et finalement, il tracera un chemin devant ses pas. Dieu dirigera. Donc l'auteur termine le texte en disant, Dieu est toujours bon, Dieu pourvoira, Dieu est juste, Dieu dirigera. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes un peuple, une communauté avec un passé. Des fois, ce passé est lourd, individuellement et collectivement. Des fois, en tant que chrétien, ici à Montréal, à Hochelaga, au Québec, on est un petit peuple. On est un petit peuple. Mais ce texte nous rappelle que Dieu, dans sa personne, manifeste, pas manifestera, manifeste sa personne dans son amour, sa vérité, sa justice et sa paix, afin d'être capable d'affirmer « Je suis toujours bon, je vais pouvoir pour vous, je suis juste et je vais vous diriger. » Donc, qui sommes-nous? Nous sommes le peuple du psaume 85. Voici notre identité. Voici la chose la plus vraie sur nous. Et Dieu, dans sa personne, veut se manifester. Maintenant, comment est-ce qu'il se manifeste? Ah, bonne question, Glenn. Voici mon étude de cas. Je vous invite un dialogue ici. C'est quelque chose que l'équipe de camp sonore a vécu cet été ici. Comme vous savez, ou peut-être pour vous qui ne savez pas, il y a un camp des beaux-arts qui a lieu ici dans le bâtiment pendant l'été. 6 semaines, des camps de 2 semaines. Moyenne de 17 enfants par jour vient pendant 6 semaines. C'était un très bon camp. Lors de la vente de trottoirs, au mois de juin, les parents s'inscrivent. Et il y a un papa qui est venu, moi je l'ai rencontré, je ne vais pas le nommer, ni son fils. Mais il est venu pour inscrire son petit pour 2 camps, 4 semaines. Avec le service de garde après le camp. 150 $. Pas cher. Qui ne veut pas héberger son enfant pendant 1 mois de temps, collation incluse, de 8h30 le matin jusqu'à 17h de l'après-midi. Son chèque a rebondi. 'Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, pensez-y. Que dira l'amour? Que dira la vérité? Que dira la justice? Que dira la paix? Commençons avec le premier. Nous sommes cette communauté où nous avons pris bien soin. L'enfant, il a aimé le camp. OK? Lorsque mon collègue a retourné voir le papa pour le chèque rebondi, il dit, je suis cassé. Et il avait bien promis que son chèque n'allait pas rebondir. Okay. Mais je suis cassé, je ne peux rien faire. Okay. Que dira l'amour? Quoi? C'est pas grave. C'est pas grave. OK. Que dira la vérité? Okay. Que dira la justice? Just Judy. Avez-vous compris ce qu'elle a dit? Judge, oui. Judy. Judge Judy. On va t'amener dans le cours des petites créances, n'est-ce pas? Oui, oui. Que dira la paix? On oublie. On oublie ça. Voilà. OK? Pas nécessairement. Non? OK. Donc, maintenant, on a Madame Justice qui parle à Madame la Paix. Non, mais je veux dire aussi qu'on ne veut pas perdre cette famille pour le bien-être du gars. Mais si on applique juste la justice, on peut Mais les moniteurs devraient t'aider. Ils ont resté assez de temps pour garder seulement ce petit enfant. Ça nous a coûté plus parce qu'on avait un enfant ces jours-là avec deux moniteurs. OK. Amour, vérité, justice, paix. Et vous voyez comment il est difficile pour nous de trancher. Mais en Dieu, de qui nous sommes en Jésus-Christ, qui a incarné ces quatre choses. Nous sommes une communauté de réconciliation. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes le peuple d'amour, de vérité, de justice et de paix. Parce que notre identité se trouve dans le Dieu du psaume 85. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Maintenant, mon collègue qui traite le dossier, il a rencontré le papa, il travaille avec le papa. Maintenant, moi, je suis le gestionnaire. Et je suis en train de dire, ça me coûte pour toi de continuer. OK? Maintenant, monsieur la vérité, sorte. Mais, Sandy dit, mais on veut garder le petit enfant. On veut prendre soin de lui. Donc, mes amis, qui nous sommes? Nous sommes une communauté qui incarne tout le caractère de Dieu. Et ceci pour la gloire de Dieu. Prions ensemble. Oh Seigneur, j'aimerais te remercier par la façon que tu m'as parlé il y a cette semaine en préparant ce texte. Et je prie en même temps pour mes sœurs et mes frères que tu puisses, en corporant ce texte, et que tu puisses le réaliser dans notre vécu en tant que communauté. Et nous voulons être un peuple qui expérimente ce que toi tu dis dans la conclusion de ce texte. Tu vas toi-même nous donneras le bonheur. Et notre arrondissement produira ses fruits. Ta justice marchera devant nous et tu vas tracer un chemin pour nos pieds. Et à cela, nous disons merci.